On a déjà un appel. Appel, mais peut-être qu'on écoute quand même le son. On va juste répondre à l'appel. Allô, allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a un petit peu de retard. On va réécouter le son, si vous permettez. Et comme ça, vous nous faites la proposition juste après. D'accord ? D'accord. Alors, le son, il est là. Je rappelle juste que c'est un son proposé par Cédric Fermont, qui sera notre invité demain, grand invité demain, en direct à distance. Alors, j'écoute votre proposition, racontez-nous. Alors, moi je vois plein de choses, donc je voyais à la fois quelque chose d'aquatique, où j'avais soit l'impression que c'était quelque chose qui était sous l'eau, ou bien au contraire une espèce de voile qui battait au vent. Et j'avais aussi l'impression qu'il y avait un violon. Donc ça pourrait être quelqu'un qui joue du violon sous l'eau, ou bien une voile qui bat près d'un violon. C'est très beau, en tout cas, l'image du violon qui joue sous l'eau, peut-être avec un archer de main. Je ne sais pas si c'est possible de l'enregistrer, mais voilà, ça me faisait penser à ça. À vrai dire, je ne connais pas la réponse moi-même, puisqu'on a reçu la réponse par message. Il y a de l'eau, bien sûr, c'est vrai. Est-ce qu'on demande à nos invités s'ils ont aussi une idée de ce que ça pourrait être? Bah, ouais, je sens aussi quelque chose d'aquatique et électronique en même temps. Mais je sens pas le violon, mais qui sait? Et ça, oui, peut-être j'ajouterais l'élément d'un tuyau, peut-être, d'une certaine description. Ah. Un débouchage dévié ou... Là, je dirais que... Je dirais que Serge a gagné, mais notre auditrice lointaine, lointaine, en tout cas le numéro est français, c'est pour ça que je vois ça loin, mais en fait c'est pas si loin, a aussi quelque part gagné, puisque effectivement il s'agit d'eau. Je vais juste diffuser l'explication. Il s'agit d'un tuyau d'arrivée d'eau qui dessert le village de Fush-Kluje en Albanie. Et donc, c'est l'eau qui circule, mais avec énormément de bulles d'air. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir joué. C'était quand même bien entendu. Et donc, vous avez gagné une place pour le concert de ce soir. Donc, on se réjouit de vous retrouver à Archipel. Il suffit de passer à l'accueil et de dire que vous êtes, je ne sais pas comment on dit, la grande gagnante. La grande gagnante. La grande gagnante du son mystère. Bravo. Du son mystère. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.